Comme une rose du mois de mai, tu as reçu la jeunesse et la beauté. Et moi dans l'ombre qui fixe ta vie, je vois trop de regards étincelants d'envie. Tu es bien trop belle et trop sensuelle pour un garçon comme moi. J'ai le rêve facile d'un bonheur tranquille que tu ne donnerais pas. Tu es bien trop belle et la bagatelle ne me suffit pas, tu vois. J'aimerais t'offrir mon lit, mais pour toute la vie. Même une colombe heureuse au nid, parfois s'envole à jamais vers l'infini. Je crains pour nous, à tort ou à raison, que tu t'envoles un jour vers d'autres horizons. Tu es bien trop belle et trop sensuelle pour un garçon comme moi. J'ai le rêve facile d'un bonheur tranquille que tu ne donnerais pas. Tu es bien trop belle et la bagatelle ne me suffit pas, tu vois. J'aimerais t'offrir mon lit, mais pour toute la vie.